Osmose Radio. Osmose. La web radio. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore regarder danser les gens et de temps en temps je coupe le son et je remets. Je remets le son et je recoupe le son. Et attention, je remets le son. J'attends les gens arrêtent de danser. Ils se demandent qui a coupé. Ils commencent à m'encercler. Je me sens en danger, alors je leur dis prenez-moi, faites de moi n'importe quoi. Pendez-moi la tête en bas comme la dernière fois. J'adore regarder danser les gens. Ah, je trouve ça fascinant. Au bar du Luxor, regarder danser les gens. J'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Et je coupe le son et je remets le son. Et je recoupe le son. Je remets le son. J'adore les auditeurs d'Osmose Radio, je les trouve tellement beaux. Oui, soyez les bienvenus dans l'heure du loup, l'émission où on fait de la lèche avec notre grande lande qui dépasse de nos grandes babines. Soyez les bienvenus dans votre playlist Rock and New Wave, comme tous les mardis soirs, un petit peu après 19h. Vous êtes bien sûr Osmose Radio, et ça commence comme ça, et ce soir ça commençait avec Philippe Catherine qui disait « J'adore regarder les gens », il nous chante ça depuis une dizaine d'années, et c'était le titre « Luxor, j'adore », qui est sorti en 2005, si ma mémoire est bonne. On continue sur Osmose Radio avec un morceau qui annonce un petit peu le thème de ce soir. Le titre s'appelle Dance, c'est le groupe No Critics. Flower and washed down by you. Dance to this song. Danse sur ce titre, un morceau qui court, efficace et dansant, qui n'a plu aucune critique, ça tombe bien, le groupe s'appelait No Critics, un groupe allemand qui a eu une carrière à cheval entre les années 80 et 90. Et là, on écoutait un extrait de leur premier et unique EP, sorti en fin des années 80, qui s'appelait November, et le titre Dance. Ouais, Dance, c'est un petit peu le thème ce soir, mes petits loups, puisque, comme chaque année, au mois de février, je vous fais une playlist consacrée à la danse. Je vous l'avais laissé entendre la semaine dernière. Et parce que pourquoi ? Ben, parce que sur Avignon, chaque année, au mois de février, on a le festival des hivernales, que connaît bien notre collègue Emmanuel Serafini, puisqu'il en a été le président pendant quelques années, avant de se faire virer comme un malpropre par la nouvelle direction. Bref, peu importe, c'est quand même chaque année un événement important de la vie culturelle à Avignon, et même un peu au-delà d'ailleurs, puisqu'il y a des spectacles qui viennent d'assez loin. Je pense notamment à une année où j'avais vu des danseurs du Japon qui faisaient un spectacle de buto, par exemple, etc., etc. Donc si vous aimez la danse, il reste encore une semaine pour vous renseigner sur le programme et voir les ballets, les conférences, les projections, etc., qui ont lieu au sein du festival des hivernales. On vous en avait déjà de toute manière un petit peu parlé sur Osmose Radio. Voilà, et bien ce soir, moi je saisis l'occasion pour faire une playlist consacrée à la danse. Pourquoi ? Bah déjà parce que j'aime bien danser, vous aussi j'en suis sûr, et puis parce que de toute manière les styles musicaux, hein, rock, new wave, etc. que j'aborde dans l'émission s'y prêtent de toute manière. Et donc ce soir, avec ces deux morceaux pour se mettre en jambes, on va aborder un petit peu le thème et on va continuer. Alors on était dans un morceau au son un petit peu punk à l'instant, là bien on va y rester avec un groupe californien, celui-là TSOL, True Sound of Liberty, un groupe punk qui venait de Los Angeles dans les années 80, et on va écouter un extrait de leur album Dance With Me, tout de suite Sounds of Lost. I can hear the sounds of laughter. Could it be? Et là, tout se réglait à la danse. L'un disait « Fils, t'y a aucune chance ». Bon, ça c'était le Mia, c'était IAM, c'était les années 90, mais là on était un petit peu plus loin, on était avec Killing Joke en Grande-Bretagne dans les années 80. C'était le titre « War Dance ». C'était enchaîné juste avant avec un groupe californien, celui-là « True Sound of Liberty », TSOL, et le titre « Sounds of Luster », qui était un extrait de leur album « Dance with Me ». War Dance, la danse de guerre, ben ouais, parce que la danse, hein, c'est pas seulement pour faire des cochons stés debout, c'est pas seulement pour s'amuser et taquiner le dance floor, ça a aussi parfois d'autres fonctions, notamment chez certaines sociétés traditionnelles, ça consiste un petit peu à mimer des exploits ou mimer les trucs des dieux, etc. Par exemple, dans les tribus des Indiens d'Amérique, chez les Inuits ou les Sioux, par exemple, les guerriers miment leur chasse quand ils ont tué un bison, un phoque ou que sais-je, et ils miment tout ça à la tribu, et ça leur donne un prestige, ça leur donne de l'aura, etc. Je me dis que dans nos sociétés modernes, ou soi-disant modernes, c'est une tradition qui s'est pas tout à fait perdue. Hein. J'en veux pour preuve Emmanuel Macron que je voyais l'autre soir dans un document à la télévision qui agitait ses petits bras en hurlant. Je me suis dit que ça aussi ça doit être une danse de guerre d'ici les échéances électorales qui se préparent. Hein, mais bon, autre lieu, autre mœurs, vous me direz. Et puis tiens, autre lieu, autre mœurs. Quand on va danser, en général, c'est en boîte et c'est noir de monde. Souvent, d'ailleurs, il arrive qu'on puisse à peine bouger. Ben justement, boîte noire, c'est le groupe avec lequel on va continuer, un groupe de la scène synth-pop française des années 80. Alors avec des sons de synthé qui ont parfois un petit peu mal vieilli, mais ça donne quand même un cachet auquel on est qui nous taquine de toute manière les oreilles, auquel on reste attaché au moins sentimentalement, qu'on ait connu cette époque ou pas. Et on va écouter tout de suite, là encore, un morceau qui illustre le thème de ce soir, Boîte Noire, avec le titre La Danse. We'll be right back. walk in the park. The dolphins have sex. But find some alien ants. What strange ants, darling, said she. Look at the tiny glitter pants. Oh no, said he. But it's late. Glitter clam from outer space. Then a dancing with the ants. Milda and Dean have not so many legs. Come time in night by ants in tiny glitter pants. Glitter clam from outer space. Better dancing with the ants. Ants gang in alien sexy dance. A gang from outer space. Ants gang in alien sexy dance. Satanically defense. Miranda and Dean, another tiny friends, have so many children dancing in a space. When a part of a gang, said he, of alien ants in sexy dance, still part of a gang. Alien ants from outer space, get a glam from outer space. Better dancing with the ants. Ants gang in alien sexy dance. A gang from outer space. Ants gang in alien sexy dance. So tiny glitter pants. Ants gang in alien sexy dance. Gang from outer space, ants gang in alien sexy dance. Satanically defense. Cher, depuis quand n'avons-nous pas valsé? Oh, comme est-ce? Des heures. Ah, on s'en lasse pas du couple le plus macabrement romantique du cinéma à l'instant. C'était Gomez et Morticia dans le film La famille Adams qui dansait, hein, puisque dès qu'ils en ont l'occasion, ils valsent. Et à l'instant, c'était deux morceaux enchaînés. Tout d'abord, Boîte Noire avec le titre La Danse, un morceau qui nous venait, qui fleurait bon les années 80, les boîtes à rythme et les synthés d'époque. Et c'était enchaîné juste après avec un projet musical qui n'a eu qu'un temps dans les années 2000. Mais qui s'inspira un petit peu de cette scène-là. C'était The Dark avec le titre Alien Sexy Dance. Alors en fait, c'était un gars, un illustre inconnu qui avait fait ça sur un 4 pistes dans sa chambre apparemment. Et moi, j'avais découvert ce morceau intéressant de toute manière sur une compilation sortie par le label Manic Depression Records. Il y a une dizaine d'années, et c'était, je vous la mettrai en ligne. Je crois qu'elle est encore téléchargeable. C'était Poison Dead Frogs, une des deux ou trois compilations que le label avait sorties qui permettaient de découvrir des groupes qui n'étaient pas encore très très connus à l'époque, comme Frustration par exemple. Il y avait des Jackie Beach, il y avait No Tears notamment, mais il y avait aussi des petits projets comme ça, bon, bah, qui ont tourné court, mais qui étaient quand même intéressants. Et donc Alien Sexy Dance, hein, tiens, des aliens justement, Gomez et Morticia, avec leur élégance et leur romantisme, sont un petit peu des aliens dans notre société, parfois si vulgaire. Mais bon, hein, on va améliorer, hein. Heureusement qu'il y a Osmose Radio pour relever un petit peu le niveau par rapport à la concurrence. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, chers amis. Vous êtes bien sûr Osmose Radio, vous disais-je, avec Stéphane et L'Heure du Loup, votre playlist rock et new wave. Ce soir, le thème, c'est la danse. Et on va continuer. Alors, on a écouté un petit extrait de La Famille Adams à l'instant. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a un personnage dans ce film qui s'appelle le docteur Pinderschlass. Pinderschlass, eh bien, c'est avec un groupe qui lui aussi a un nom à coucher dehors, le docteur Arthur Kraus, c'est le nom du groupe, un groupe suédois de rock gothique qui est assez sympa, hein, sympa, suédois, ça rime, faut vous croire. Pour le coup, c'est vrai, et tout de suite, on écoute le titre Dance Like Hell. Like hell. l'instant deux morceaux enchaînés. Tout d'abord, le groupe Dr. Arthur Kraus, un groupe de rock gothique suédois, et le titre Dance Like Hell, danser comme un bon petit diable en quelque sorte. Et un bon petit diable, justement, bah, c'était à l'instant Robert Smith de The Cure avec le titre Last Dance. C'était sorti sur l'album Disintegration en 1989. Last Dance, dernière danse, hein, ça a quand même plus de gueule quand c'est Robert Smith qui le chante que quand c'était les mecs du groupe Kyo dans les années 90, dans les années 2000, avec leur voix de fossé qui chantait « Ah, oh, c'est juste une dernière danse !» Ouais, et que ça faisait mouiller les minettes. Bon, ben, autre temps, autre mœurs, ça vous me direz. Vous vous souvenez pas de Kyo ? C'est pas grave, vous avez rien loupé. Voilà, et bon, The Cure, un groupe emblématique des années 80, des années même plus tard 90, un groupe emblématique de la New Wave. On va changer un petit peu de style puisqu'on approche de la fin de l'émission, on va aller vers les siècles passés. Ouais, on a peur de rien. Avec un projet musical d'un garçon que j'aime bien, même s'il se fait discret depuis une dizaine d'années, c'est Francesco Banchini, un Italien très très talentueux, multi-instrumentiste, il doit jouer d'une vingtaine d'instruments. Bon, pas en même temps, mais déjà c'est pas mal. Et il avait un projet musical au début des années 2000 qui s'appelait Gore, dans lequel c'est un mot hébreu, je crois, je sais pas ce que ça signifie, et dans lequel avec le projet musical, il explorait un petit peu les musiques méditerranéennes du Moyen-Âge, les musiques médiévales de l'époque tout autour du pourtour méditerranéen. Et il avait fait un album vraiment intéressant sur le label Précosnovénier à Nantes, et un album sur lequel il interprétait un petit peu des thèmes anciens, et notamment des thèmes bibliques comme la danse des sept voiles, vous savez, la danse de Salomé dans l'Ancien Testament. Salomé avec un S comme salope, fait une danse pour ensorceler son père, donc il y a l'inceste. C'est sous-jacent, et puis donc elle fait une danse pour le séduire et pour obtenir la tête de Saint Jean-Baptiste qui finit par lui être servie sur un plateau. Voilà, donc c'est une des nombreuses histoires de l'Ancien Testament, et ça a inspiré beaucoup d'œuvres artistiques. Je pense à la peinture, je pense à avec Gustave Moreau, je pense à la littérature, et je pense avec Oscar Wilde, et aussi à la musique avec Francesco Banchini, ce projet musical Gore que je vous propose de découvrir tout de suite, la Danza di Salome. La danse de séduction, hein, d'une des femmes les plus vénéneuses de la Bible, hein, c'était la danse de Salomé à l'instant, par Francesco Banchini, son projet musical Gore. Et ce son de clarinette si particulier qui plaisait beaucoup aux gentils techniciens d'Osmose Radio. Nouredin, accompagné ce soir de Henri, qui étaient tous les deux derrière les manettes pour vous lancer les morceaux. Voilà, chers amis, ce soir, c'était avec moi, Stéphane, une playlist consacrée à la danse à l'occasion des hivernales qui font leur dernière ligne droite cette semaine. Donc, si vous avez envie de découvrir un petit peu les spectacles, je vous invite à voir ça sur leur programme. Et pour nous quitter, chers amis, on va faire comme notre habitude, on va se quitter avec quelque chose d'un petit peu décalé. Et ce soir, exceptionnellement, ce sera pas de la musique mais de la poésie, et puisque c'était le thème de la danse ce soir, eh bien ce sera un poème qui parlera de danse, justement un poème de Louis Aragon que j'avais découvert ou redécouvert grâce à un programme vraiment intéressant qui avait lieu sur les ondes de Nîmes il y a quelques années, et qui s'appelait Petit Conte entre Amis, où il y avait un garçon, une fille, Alex et Amandine, qui avaient récité ce poème de Louis Aragon, Elsa Valls. Elsa, hein, bien entendu, c'est Elsa Triolet, son épouse. Et Elsa Valls, dans laquelle il avait vraiment trouvé les mots justes pour décrire tout l'amour qu'il avait pour elle. Et faut croire que si elle dansait bien, je sais pas si elle dansait bien, mais en tout cas lui l'a fait bien danser dans ses alexandrins. Je vous propose de découvrir ça tout de suite, chers amis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez une bonne soirée. Tout de suite, Louis Aragon, Elsa Valls. Elsa Valls. Où t'en vas-tu, pensée ? Où t'en vas-tu, rebelle ? Le sphinx reste à genoux dans les sables brûlants. La victoire immobile en est-elle moins belle ? Dans la pierre qu'il encore belle, faute de s'envoler de l'antique chaland. Quelle valse inconnue, entraînante et magique, m'emporte malgré moi comme une folle idée. Je sens fuir sous mes pieds cette époque tragique. Elsa, quelle est cette musique ? Ce n'est plus moi qui parle, et mes pas sont guidés. Cette valse est un vin qui ressemble au saumur. Cette valse est le vin que j'ai bu dans tes bras. Tes cheveux en sont l'or et mes vers s'en émurent. Valsons-la comme on saute un mur. Ton nom s'y murmure, Elsa valse et valsera. La jeunesse y pétille où nos jours étant courts. À Montmartre on allait oublier qu'on pleura. Notre nuit a perdu ce secret du faux jour. Mais a-t-elle oubliez l'amour. L'amour est lourd, Elsa valse et valsera. Puis la vie a tourné sur ses talons de songe. Que d'amis j'ai perdu. L'un tirait les tarots, l'autre en dormant parlait de l'amour des éponges. Drôle de gens que l'ombre ronge, fanfaron de l'erreur qui jouait au héros. Souviens-toi des chansons que chantait pour nous plaire la négresse au teint clair, ce minuit qu'on poudra. Avant l'aube en rentrant, on prenait un peu l'air, que de nuit, ainsi s'envolèrent, autant sans colère, Elsa valse et valsera. Acheter à crédit la machine à écrire, nous mettait tous les mois dans un bel embarras. On n'avait pas le sou qu'il est cher de chérir, mes soucis étaient tes sourires, car je pouvais dire, Elsa valse et valsera. Puis la vie a tourné sur ses talons de verre, le tzigane du sort changea de violon. Nous avons voyagé par un monde sévère qui roulait la tête à l'envers, des sanglots étouffés mêlés à ses flonflons. Tu faisais des bijoux par la ville et le soir, tout tourné en collier dans tes mains d'opéra, des morceaux des chiffons, des morceaux de miroir, des colliers beaux comme la gloire, beaux à n'y pas croire, Elsa valse et valsera. J'allais vendre aux marchands de New York et d'ailleurs, de Berlin, de Rio, de Milan, d'Ankara, ces joyaux faits de rien sous tes doigts orpailleurs, ces cailloux qui semblaient des fleurs, portant tes couleurs, Elsa valse et valsera. Puis la vie a tourné sur ses talons de rage, des éclairs traversaient les tubes de néon, on entendait hennir des chevaux de nuages traînant des voitures d'orage, le jazz contre un tambour troqua l'accordéon. Ce qui suit pourrait mal se danser, car César a pour vous dévoré les chacals qu'il voudra. Mais quel air tourbillonne au tombeau de Lazare, entends-tu son rythme bizarre, au bal des hasards, Elsa valse et valsera. Nous avons traversé le cyclone et le sort, l'enfer est sur la terre et le ciel y chéra. Mais voici qu'à l'honneur il succède une aurore, et que cède à l'amour la mort. Elsa valse encore, Elsa valse et valsera. Et la nuit a tourné sur ses talons de paille. Avez-vous vu ses yeux? Ce sont des yeux d'enfant. La terre accouchera d'un soleil sans bataille. Il faut que la guerre s'en aille, mais seulement que l'homme en sorte triomphant. Mon amour n'a qu'un nom, c'est la jeune espérance. J'en retrouve toujours la neuve symphonie, et vous qui l'entendez du fond de la souffrance, levez les yeux, beau fils de France. Mon amour n'a qu'un nom, mon cantique est fini.